Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que devient le présent quand il se transforme en passé ? Il y a des questions relatives au temps qui portent notre pensée au bord de l'abîme et la font tituber de vertige. Par exemple celle-ci. Où va le présent quand il devient passé? Et où se trouve le passé lorsque plus rien ne le manifeste? Parce qu'elles interrogent le temps en usant de termes relatifs à l'espace, ces questions déclenchent en notre esprit un gigantesque embarras intellectuel. On n'y répond d'ailleurs que de façon évasive, bancale, en accordant au passé une ontologie vacillante, à mi-chemin entre réalité et irréalité. Prenons l'exemple d'une chaise qui n'est plus présente parce qu'elle a été détruite. Devons-nous considérer qu'elle existe encore quelque part, sous la forme d'une chaise passée qui a existé, ou bien qu'elle n'existe plus du tout, nulle part? La réponse, à l'évidence, se discute. On pourra me rétorquer que le passé, c'est pourtant simple. Le passé, c'est la grande affaire des historiens, et c'est à eux et à eux seuls de nous dire ce qu'il fut et ce qu'il en va de lui. Reconstituer les fils d'une trame temporelle, telle est bien en effet leur ambition et leur mission. Les historiens tentent de rendre présent ce qui n'est plus, de faire comme si le passé était encore là, quelque part, prêt à se laisser découvrir au prix de quelque effort de notre part. Mais au fond, toute époque n'est-elle pas incommensurable aux autres époques? Le travail du temps qui passe et les événements qu'il a portés empêchent les mises en correspondance trop directes entre les différentes périodes. Au cours du temps, notre vue se modifie, au point que nous ne pouvons plus voir ce que voyaient nos prédécesseurs, même lorsque nous l'avons sous les yeux. Ainsi, je puis contempler le Mont Blanc d'aujourd'hui, mais saurais-je ressentir précisément ce qu'éprouvaient ceux qui le regardaient au XVIIe siècle, avant sa première ascension en 1786? Serais-je vraiment capable de l'imaginer exactement comme eux l'imaginaient, c'est-à-dire tout peuplé de spectres, de gueules béantes et de méchants fantômes? Le Mont Blanc, même s'il demeure bel et bien là, n'existe plus tout à fait comme autrefois. En voulant reconstruire par la pensée ou le souvenir les périodes passées, nous les insérons à notre insu dans le monde d'aujourd'hui. C'est ainsi que la mémoire mélange les temporalités et brouille l'ordonnancement chronologique des événements. Mais pourrions-nous mieux dire comment fonctionne notre mémoire, que celle-ci soit individuelle ou collective? Par exemple, comment nous souvenons-nous des événements dont on dit qu'ils ont marqué l'histoire? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux personnes. La première est Francis Eustache, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez une unité de recherche de l'INSERM à l'Université de Caen-Normandie. Et cette unité de recherche est spécialisée dans l'étude de la mémoire humaine et de ses maladies. Et depuis quelques années, vous avez développé un programme de recherche portant sur les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective en collaboration avec l'historien Denis Péchanski. Mon deuxième invité est Alexandre Lacroix. Bonjour, vous êtes écrivain, bonjour, directeur de la publication de Philosophie Magazine, et vous êtes l'auteur d'essais de romans, notamment le dernier qui s'intitule « La muette », un roman qui traite d'un passé qui passe et qui ne passe pas. Comme le dit l'un de vos personnages, à la muette, il y a comme qui dirait du passif. Oui, alors en fait c'est un roman qui parle d'un lieu très particulier, la cité de la muette, qui se trouve sur la commune de Drancy, qui est une cité qui a ceci d'incroyable, qu'elle a été pendant la guerre réquisitionnée, elle est devenue le camp de Drancy, de sinistre mémoire, un camp où 80 000 personnes ont été détenues, d'où 67 000 personnes ont été déportées vers l'Est, principalement vers Auschwitz, vers une mort quasi certaine. Et cette cité, qui était un grand projet architectural de l'avant-guerre, une cité qui se voulait très moderne, a été transformée en 1947 en logement populaire. Et elle est toujours aujourd'hui, en 2017, gérée par l'office des HLM, et il y a des gens qui y vivent. Elle est toujours à peu près dans l'état de 1947, parce qu'elle a été très rapidement installée, enfin très rapidement, on y a posé des cloisons qui permettaient de créer des deux pièces et des studios. C'est toujours comme ça que sont les habitations là-bas. Et donc, c'est une cité qui superpose un présent qui est le présent, disons, de la banlieue, d'une certaine forme de, pas de misère, mais enfin de pauvreté, de la banlieue nord parisienne avec les problèmes différents qui y sont liés, et puis surtout le passé tragique de la Seconde Guerre mondiale, ce qui répond assez directement à ce que vous disiez dans le préambule et qui est très juste. Où est le passé? Que devient le présent quand il tombe dans le passé? Eh bien, nous avons peut-être une interface, une dimension qui permet d'accéder à ce présent qui est devenu du passé. C'est l'espace, ce sont les lieux. Il y a une mémoire qui se sédimente, il y a des actions, des événements qui se sédimentent dans des lieux. Il est parfois difficile de retrouver les traces. Quand des crimes ont été commis, comme c'est le cas dans la Cité de la Muette, les traces sont parfois ténues. À la Cité de la Muette, par exemple, dans les caves, il y a encore des inscriptions des détenus qui ont été torturés dans ces caves, et des gens ont encore ces inscriptions dans leurs caves aujourd'hui. Mais enfin, ces traces existent, et lire un lieu, s'emparer d'un lieu, c'est aller au-devant de ces traces, et aller aussi au-devant de cette épaisseur du passé. Alors voilà, j'ai voulu écrire un roman, mais un roman qui fasse parler un lieu, qui raconte l'histoire d'un lieu, à la fois en 1943 et de nos jours. Mais Alexandre Lacroix, quand on se promène dans ce quartier de la Muette, est-ce qu'on voit les traces du passé de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a des plaques? Est-ce qu'il y a des monuments de commémoration? Ou est-ce qu'il faut les vraiment chercher? C'est ça, c'est une très bonne question. Il y a un livre merveilleux d'Imre Kertész, qui était un survivant d'Auschwitz, qui s'appelle Le chercheur de traces, c'est une fiction. Hein. Et le personnage erre dans une région, une province de la Mitteleuropa, et il sait que des massacres ont eu lieu. Évidemment, il pense à la Shoah, mais ça n'est pas dit. Et il ne voit pas les signes manifestes de ces massacres, juste une sorte d'atmosphère qui flotte. Eh bien, aller à la Cité de la Muette aujourd'hui, mais vous pouvez y aller, hein, c'est à 10 km du centre de Paris, c'est tout près. Mais c'est se retrouver dans un espace où les traces sont, pour commencer, invisible. Alors certes, il y a un mémorial, il y a une statue à l'entrée de la cité, mais dès qu'on est dans la cour, on est dans une cité de banlieue qui paraît ordinaire. Sauf que quand on s'imprègne de ce lieu, parce que pour faire ce roman, moi pendant 5 ans, j'y suis allé passer une journée ou une demi-journée, toutes les 2 ou 3 semaines, ouais, pendant 5 ans. Donc quand on s'imprègne de ce lieu, quand on rencontre des habitants, quand on va chez eux, quand on prend le temps en fait, là le passé surgit peu à peu, se lit petit à petit, mais il faut faire un effort. Si vous allez juste y passer une heure comme ça demain, votre regard va glisser, vous verrez des familles, des voitures garées, un lieu de la banlieue nord, et peut-être que il vous semblera que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont été oblitérées ou recouvertes. En fait, votre roman, sans vouloir le dévoiler, c'est deux voix qui parlent, qui se rencontrent jamais. Il y a celle d'Elsa, qui est une rescapée qui témoigne de son internement auprès d'un historien. Mmh. Et puis Nour, un jeune homme qui habite la Cité de la Muette et qui raconte son quotidien. Il y a deux histoires complètement parallèles, mm-hmm, qui racontent deux périodes de l'histoire sans que jamais on, mm-hmm, comprenne ce qui les relie, à part le lieu qui leur est commun. Le lieu les relie. C'est aussi un roman qui, comme ce lieu, est bilingue. C'est-à-dire que Elsa parle à un historien, donc elle parle dans le français un peu châtié d'une vieille dame. Elle pourrait avoir des expressions argotiques, mais ce sera des expressions comme bigre, fichtrement, ce genre de choses que peuvent dire les grands-mères. Mais son niveau de langue est assez soutenu. Elle a été institutrice, elle a fait des études. Par contre, Nour, il parle un français vraiment très très urbain, très contemporain. Ouais, il y a du verlan, mais pas seulement. Il y a beaucoup de mots qui viennent du gitan, de l'arabe, de l'anglais. C'était un long travail que de m'approprier cette syntaxe, ce lexique, et puis j'ai dû mener une relecture avec quelqu'un qui connaissait bien ce français-là à la fin pour être sûr de ne pas avoir employé d'expressions qui seraient déplacées. En tout cas, le livre est bilingue, donc il y a deux voix, et je dirais que ça traduit le bilinguisme d'un lieu. C'est un lieu qui raconte deux histoires, une histoire présente, une histoire passée. Et le dispositif romanesque, qui consiste à croiser le destin de deux personnages qui a priori n'ont rien à voir sauf qu'ils se trouvent dans le même lieu, consiste à essayer de donner une double voix à la Muette. Francis Eustache, vous vous intéressez à la mémoire humaine et à ses pathologies. Est-ce que le roman d'Alexandre Lacroix vous inspire des remarques sur la façon dont la mémoire individuelle et la mémoire collective peuvent parfois se distinguer? Bien sûr. Moi, je suis avant tout... Le départ de ma trajectoire, je suis spécialiste de la mémoire individuelle. Je suis neuropsychologue, je m'intéresse à des patients qui ont des troubles de mémoire. Donc c'est leur mémoire qui est atteinte en lien avec une maladie ou une lésion du cerveau. Donc et puis j'ai ensuite travaillé avec l'imagerie cérébrale pour comprendre les mécanismes cérébraux qui sont à l'origine de ces modifications de la mémoire ou de ces altérations de la mémoire. Donc ça, c'est une bonne partie de mon travail. Et puis, c'est vrai que plus récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, c'est une rencontre avec un historien que vous avez cité, Denis Péchanski. Là, c'est vrai que la recherche sont beaucoup des rencontres à certains moments. Et avec Denis Péchanski, nous avons commencé à travailler sur ces liens complexes entre mémoire individuelle et mémoire collective. Pour l'historien, c'était un moment où il devenait important de comprendre les mécanismes cognitifs et cérébraux qui, quelque part, participent également à la construction de la mémoire collective, même si la mémoire collective est certainement quelque chose de plus complexe, on pourra y revenir. Et puis moi, de mon côté, en tant que neuropsychologue spécialiste de l'individu, d'une mémoire individuelle de plus en plus subjective. C'est-à-dire que l'étude de la mémoire individuelle, elle a d'abord été extrêmement expérimentale. On étudiait des syllabes sans signification, là, comment on pouvait apprendre des choses aussi simples que cela. Puis progressivement, on s'est intéressé à des concepts plus complexes, comme la mémoire autobiographique. Qui n'est pas la mémoire personnelle. Alors, qui est une mémoire personnelle, on l'a considérée, nous la considérions, nous, neuropsychologues, comme une mémoire individuelle, voire une mémoire très individuelle. C'est ma mémoire. C'est ma mémoire. Et en essayant d'élaborer des outils, des méthodes qui permettent d'approcher au plus près la subjectivité de cette mémoire. Alors, ça, c'est très amusant, parce qu'en même temps, et de longue date, en fait, des sociologues, le chef de file, c'est Maurice Halbach, qui est un sociologue français qui a été productif, qui a été déporté en 1945 à Mauthausen, et auparavant qui a été productif dans les années 20, et qui a écrit un livre très très important qui s'appelle « Les cadres sociaux de la mémoire ». Alors, et dans ce livre, « Les cadres sociaux de la mémoire », il y a tout un chapitre sur la mémoire autobiographique. Mais c'est une mémoire autobiographique qui est totalement différente de la mémoire autobiographique des psychologues, des neuropsychologues. Et ce qui nous a paru intéressant de faire avec Denis Péchanski, c'est de rapprocher ces deux conceptions. En se disant, en fait, que l'un comme l'autre, on était dans des voies sans issue. C'est-à-dire qu'on pouvait apporter, évidemment, des choses. C'est-à-dire que la mémoire individuelle n'est pas autonome par rapport à la mémoire collective ? C'est-à-dire que j'ai ma mémoire de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai ma situation dans le temps qui passe, j'ai ma mémoire, mais cette mémoire, elle est totalement tributaire. Premièrement, d'une mémoire partagée. C'est-à-dire ma mémoire, je la forme avec d'autres. Lors de l'encodage, ici nous sommes trois dans un studio, plus les gens qui nous écouteront, parce que cette émission elle est destinée à des auditeurs. Et puis quand je me souviendrai de ce moment, je m'en souviendrai dans un certain contexte. Et ce que dit très bien Halbach, il dit une chose très simple, il dit « je ne suis jamais seul ». Même si je suis seul objectivement, je ne suis jamais seul. Et quand je me souviens, je me souviens dans un certain contexte. Et je pense que c'est très important de comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on se dit on ne peut pas étudier la mémoire en tant que psychologue en faisant abstraction de l'étude de la mémoire collective. Donc il est normal que les psychologues collaborent avec les historiens. Ils ne l'ont-ils pas toujours fait ? Non, ils ne l'ont pas fait. Je pense que très objectivement, ils ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire que les psychologues ne s'intéressaient pas aux travaux des historiens et que les historiens ne s'intéressaient pas aux travaux des psychologues. Mais je pense qu'on avait une vision un peu métaphorique. C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, j'avais conscience que le grand récit qui s'écrit, le grand récit des historiens, eh bien, il met en jeu des mémoires fortes, des mémoires faibles, des moments qui sont rehaussés, d'autres qui sont au contraire passés à l'arrière-plan. Et c'est la même chose pour la mémoire individuelle. La mémoire individuelle, il y a des aspects, des souvenirs qui vont être mis à l'avant-scène, et puis d'autres, au contraire, qui vont être édulcorés, etc. Et donc, il y avait cette compréhension, mais plus sous forme d'analogie. Alors que aujourd'hui, le challenge en quelque sorte qu'on a posé avec Denis Péchanski, c'est de dire pour vraiment comprendre, il faut pas cohabiter, il faut pas travailler ensemble, mais il faut vraiment fusionner les approches. Alors, c'est pas du tout simple. Déjà, sur le plan conceptuel, il a fallu du temps pour qu'on s'entende. Il y a eu beaucoup de débats. Et d'ailleurs, quand je rencontre des collègues, que ce soit des psychologues, des historiens, des sociologues, des scientifiques divers et variés, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que, par exemple, des termes comme mémoire collective, c'est des termes qui sont passionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire, voilà, la mémoire collective, on pourrait dire que c'est ceci et donner une définition simple. Non. On va y revenir, parce que ce qui n'est pas simple pour moi, c'est de proposer que nous passions le premier morceau de musique qui a été choisi par Alexandre Lacroix. Je crois que c'est un morceau de Brahms, joué par Yehudi Menuhin. Oui, dans des circonstances particulières, mais j'y reviendrai. On va y revenir. Alexandre Lacroix, vous avez choisi ce morceau de Brahms. Oui, alors en fait, Yehudi Menuhin est dirigé par Wilhelm Furtwängler, mais c'est un morceau historique qui appartient à l'histoire du XXe siècle, qui a une très belle symétrie d'événements. En fait, Furtwängler, c'est le plus grand chef d'orchestre allemand dans l'entre-deux-guerres, incontestablement. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il n'a aucune sympathie pour le régime nazi, mais il fait le choix de rester en Allemagne. De rester en Allemagne et d'être une sorte d'opposant de l'intérieur. D'ailleurs, en 1933, par opposition au nazisme, il décide d'inviter de jeunes musiciens juifs prometteurs à se produire à la philharmonique de Berlin. Évidemment, les jeunes musiciens juifs, dont faisait partie Menuhin, refusent d'aller en Allemagne, ce qui pouvait ressembler à un piège. Mais Furtwängler va rester longtemps dans cette ambiguïté, il va tenter de protéger des musiciens juifs à l'intérieur, il va finir par devoir s'exiler et fuir en juste après l'attentat raté contre Hitler en Suisse parce que la Gestapo a des soupçons à son égard. Mais à la libération, il est considéré quand même comme quelqu'un qui a collaboré avec le nazisme, puisqu'il était le chef d'orchestre officiel du régime. Et donc, il a eu un procès difficile en dénazification. Et quand Fürth Wrangler traverse cette mauvaise passe, en 47, il y a une main tendue de Menuhin qui vient pour enregistrer avec lui plusieurs morceaux. Le morceau qu'on a entendu, c'était un concerto pour violon de Brahms qui a enregistré en 49, qui fait partie d'une série d'enregistrements qui sont parmi les plus beaux du 20e siècle. Et au-delà de la beauté simplement de la musique, il y a cette histoire difficile et cette mémoire difficile du 20e siècle qui est en jeu, avec cette main tendue extraordinaire de Menuhin à un chef d'orchestre qui l'impressionnait beaucoup et qui était menacé à tort. Décidément, cette question de la mémoire nous ramène beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Vous parliez, Francis Eustache, de Maurice Halbwachs, en rappelant qu'il était mort en déportation. Et il a écrit un livre, après la guerre, si j'ose dire, un livre posthume, en 1950, qui s'intitule « La mémoire collective ». C'est lui qui invente le concept de mémoire collective ? Disons, sous cette forme moderne, bon, il a travaillé avec des auteurs très très impressionnants, puisqu'il a travaillé notamment avec Bergson. Mais disons que ce qu'il propose est très intéressant. Il y a deux grandes formes de mémoire collective. Il y a cette mémoire partagée que nous évoquions, donc la mémoire qui est partagée par des individus. Et puis il y a cette mémoire qui transcende en quelque sorte cette mémoire partagée, qui est la mémoire culturelle. C'est la mémoire culturelle, en fait, c'est la mémoire qui vit sa propre vie, qui échappe en partie aux individus, en tout cas, tout un chacun. Évidemment, quand on est un chef d'État, quand on est le général de Gaulle ou quelqu'un de très influent, on va avoir un impact direct sur cette mémoire culturelle. Mais sinon, sa construction est beaucoup plus diffuse. Bon, les médias ont bien sûr, et surtout aujourd'hui, un rôle très important. Les commémorations, les réseaux sociaux, l'éducation. Vous voyez, c'est tout ce faisceau d'acteurs qui va moduler cette mémoire culturelle. Est-ce que j'ai le droit de dire que la mémoire collective, c'est une sorte de résultante plus ou moins bien orchestrée des mémoires individuelles, ou est-ce que c'est autre chose ? Non, je pense que c'est un récit qui transcende les cas particuliers. Je pense que c'est la partie mémoire culturelle clairement transcende les mémoires individuelles. C'est-à-dire que personne n'a vécu individuellement ce que raconte la mémoire collective ? Complètement non. Et je pense qu'on ne peut pas réduire nos mémoires individuelles. C'est très important de les mettre en synergie, de les mettre en adéquation, de comprendre comment les unes influencent les autres, comment notre mémoire individuelle est impressionnée au sens photographique du terme par les mémoires partagées, par les personnes qui nous entourent, par les différents groupes qui nous entourent, parce que nous n'appartenons pas qu'à un seul groupe, et comment elle est également irriguée par le grand récit de la mémoire culturelle. Mais on ne peut pas réduire cette mémoire culturelle à la somme des individus. Alexandre Lacroix ? Je dirais que c'est très intéressant parce que quand on écrit un roman, on doit faire un chemin qui est à peu près inverse. C'est-à-dire quand on écrit un roman qui parle de faits historiques, et en particulier de la déportation de 1943, comme c'était mon cas, on a à sa disposition énormément de livres d'histoire et de documentation. On a une mémoire culturelle, une mémoire collective. Ce qui est difficile à atteindre, c'est l'authenticité de l'expérience humaine. Mais aussi un certain nombre de détails de la vie quotidienne que personne n'a cru bon de consigner dans des livres. Je vais donner un exemple très précis, puis ça va s'éclairer. Par exemple, pour moi, à la cité de la Muette, j'avais vu dans quelques témoignages que les vitres étaient peintes en bleu. Alors, pour la grande histoire, ça n'a pas d'importance qu'elles soient peintes en bleu et peintes en bleu, mais si vous, ou pas peintes en bleu. Mais si vous écrivez un roman et que vous devez camper une atmosphère, imaginez des gens qui, la journée, parce que en plus ça se passe en été quand Elsa est déportée là-bas, on est en été 43, la journée en plein été, sont dans des chambrées, confinées, et qu'il y a cette lumière bleuâtre, un peu comme dans un aquarium ou une salle de cinéma, ça crée quelque chose, une atmosphère bien particulière. Et j'ai parlé avec une survivante, une rescapée qui y était, et je lui demande, mais enfin, est-ce que ces vitres étaient peintes en bleu? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu dans quelques témoignages, mais jamais dans les livres d'histoire? Elle me dit qu'elle ne s'en souvient pas. Et le lendemain, cette survivante me rappelle, alors je vais poser énormément de questions qui étaient liées à la vie quotidienne, hein, mais elle me rappelle seulement pour ça. Elle me dit, vous savez, ça m'est revenu cette nuit. Les vitres étaient peintes en bleu. Et je me suis dit, à ce moment-là, elle a raison, c'est pas scientifique, hein, ce que je raconte là. Je me suis dit, c'est l'intuition du romancier. Je me suis dit, si elle prend la peine de prendre son téléphone, alors qu'on ne se connaît pas, qu'elle n'y a aucun intérêt particulier, pour me dire qu'effectivement les vitres étaient peintes en bleu, c'est qu'elles étaient peintes en bleu. Donc je l'ai laissé dans le livre. Il y a une raison à ça, c'est la défense passive. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas, pendant la guerre, guider les avions alliés, et donc on devait bourrer les persiennes des volets, et comme il n'y avait pas de volets à la muette, il ne fallait pas que la lumière dans les chambrées puisse guider les avions alliés plutôt qu'ennemis. Mais voilà, ça, c'est typiquement ce qu'il est difficile d'atteindre quand on est romancier, quelque chose qui fait la chair même de l'expérience directe du monde, qui est du présent, pour ceux qui étaient là, et qui... du point de vue de la grande mémoire culturelle ou collective, semble presque dépourvu d'intérêt. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alexandre Lacroix, vous savez peut-être que tous les ans, il y a un spectacle son et lumière qui s'appelle La Nuit des Invalides, au cours duquel sont projetées sur les façades des Invalides, donc des mises en scène de son histoire, comme si le passé revenait brièvement épouser la surface du présent. On voit le passé littéralement projeté dans le présent. Est-ce qu'une telle expérience est envisageable à Drancy ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme effet ? Effectivement, l'exercice qu'il faut faire quand on est à Drancy, on a des plans assez précis de ce qu'était le camp. Et en fait, comme il n'y a pas de panneau sur place qui indique l'emplacement de la cantine, des dortoirs, de l'administration allemande, quand vous êtes là-bas, vous êtes démunis, en fait, vous ne vous repérez pas dans l'espace. On pourrait tout à fait imaginer ce type de projection. Je pense aussi à quelque chose qui s'expérimente à New York pour faire exister le passé dans le présent. À New York, il existe une application qui permet aux touristes sur leur smartphone de visualiser les immeubles qui auraient pu être construits. Pas ceux qui ont été construits, puisqu'on voit bien les gratte-ciels qui ont été construits, mais il y a eu toutes sortes de projets architecturaux, tous plus fous les uns que les autres, à la fin du 19e au début du 20e siècle, qui n'ont pas été construits faute de moyens ou parce qu'ils étaient trop extravagants. Et on peut les faire apparaître sur la skyline de New York simplement en passant son smartphone dans ces différentes directions. Ce serait peut-être une piste. Ce que New York aurait pu être. Parce que ce qui est délicat, en fait, dans la cité de la muette, c'est qu'aujourd'hui, une partie des habitants de la cité ne se reconnaissent pas dans la mémoire de la guerre telle qu'elle est enseignée. Ils vivraient comme une sorte d'agression qu'on plaque sur leur lieu de vie quotidien les images du passé. Ce serait il y a par exemple un wagon témoin, un wagon d'Auschwitz à l'entrée de la cour, un wagon qui servait à la déportation. Ce wagon, les habitants au bout d'un moment vous disent « Moi le matin, voir ce wagon en allant au travail, je m'étais simplement inscrit dans une liste pour avoir un logement HLM, je me retrouve à devoir aller au travail en passant devant un wagon de déportation, c'est dur. » Donc projeter des images du passé, ce serait peut-être intrusif et violent pour les locataires actuels. Par contre, effectivement, on peut imaginer via les smartphones ou via des applications, des outils de documentation par réalité virtuelle du présent. Francis Sage, ça vous semble une bonne idée ? La solution smartphone me paraît une meilleure idée que de plaquer des images du passé sur un présent qui est très différent du passé, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un lieu c'est pas un musée, c'est pas un mémorial, c'est un lieu vivant avec des personnes qui vivent leur vie actuelle. Et puisque ce lieu a été transformé en espace de vie, ce qui était son, il y a quand même là sa mission de départ. Une contradiction entre la vie présente et une mémoire. Oui, on a du mal à faire cohabiter les deux et à les superposer. Vous voyez, c'est un lieu qui touche à ce qu'il y a d'explosif à la fois dans le présent de la société française et dans l'histoire de France. C'est-à-dire que on touche là à la fois à un problème qui est celui d'une certaine exclusion sociale aujourd'hui. Et puis, au problème de la mémoire des camps, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé à Drancy, c'est quand même très mal enseigné, c'est balayé très rapidement dans les manuels d'histoire. On vous dit simplement que c'est un camp de transit. On vous explique pas qu'il y a eu plusieurs phases dans la vie de ce camp, qu'on vous explique pas ce qui s'est passé, que des gens y sont restés longtemps, qu'il y a eu des tortures, qu'on ne vous raconte pas les administrations successives, ni ce qui y a fait le dernier directeur du camp, qui était Alois Brunner, qui était un SS de sinistre mémoire. Donc, on a là affaire à quelque chose qu'on ne veut pas voir, à une zone obscure à la fois dans l'histoire et dans le présent de la société française. Mais je crois que l'erreur, ce serait effectivement de vouloir demander aux locataires actuels ou aux habitants actuels d'être directement comptables du passé. Francis Sache, on va parler d'un événement plus récent, mais dramatique lui aussi, les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Vous menez un programme de recherche qui s'intitule d'ailleurs 13 novembre, En quoi consiste-t-il ? Première chose, il y a eu le contexte hein, de ce travail. Il y a eu en amont des études que nous avons menées avec Denis Péchanski sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et puis plus récemment avec des collègues américains, la mémoire du 11 septembre américain, hein, dont il a été un petit peu question. Et dans ce contexte-là, nous avons mis en place un certain nombre de méthodologies qui permettent de comprendre l'articulation entre les constructions des mémoires individuelles et les constructions des mémoires collectives. Et puis ensuite, il y a eu les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge. Et c'est là qu'a germé l'idée de cette fois-ci ne pas regarder la construction du passé vers le présent, c'est-à-dire de souvenirs anciens et comment ils s'installent dans une mémoire en construction, mais au contraire de partir d'un événement qui venait de se passer et de l'accompagner en quelque sorte, mettre au point un dispositif expérimental qui permet de comprendre ces constructions de la mémoire de façon cette fois-ci prospective. C'est-à-dire en menant des enquêtes, des interrogatoires. Voilà, avec schématiquement 5 études conjointes, 5 études qui sont coordonnées et dont on va pouvoir croiser les résultats. Alors il y a premièrement une étude qui s'appelle l'étude 1000. C'est 1000 entretiens filmés de personnes qui étaient plus ou moins proches des attentats du 13 novembre. Donc ce qu'on appelle le cercle 1, tout d'abord, ce sont des victimes, des personnes qui étaient sur les lieux, qui étaient dans les terrasses, qui étaient dans le Bataclan, des personnes qui sont intervenues, des policiers, des soignants. Le cercle 2, c'est la population que nous évoquions tout de suite pour Drancy, c'est-à-dire les gens qui vivent dans ces lieux. Qui n'ont pas été témoins, mais qui sont voisins. Qui n'ont pas été témoins, mais qui tous les jours passent devant le Bataclan ou qui travaillent à côté, qui voient les quarts de touristes, les personnes qui s'arrêtent pour prendre des photos. Donc c'est le 10e et le 11e arrondissement. 11e, un petit bout du 12e et puis les abords du Stade de France, Saint-Denis. Troisième cercle, c'est la région parisienne de façon générale, sans les cercles 1 et 2. Et puis le cercle 4, ce sont des villes de province, Caen, Metz, Montpellier. Des villes plus éloignées donc du cœur radioactif, on pourrait dire, de l'attentat. Donc ça, ce sont des entretiens filmés dans des conditions optimales. C'est filmé soit directement dans les studios de l'INA à Bry-sur-Marne, soit sous couvert de l'INA par le CPAD, qui est le département images du ministère de la Défense. Et il y a dans ce travail un côté patrimonial. C'est-à-dire que ces images deviennent patrimoine de la nation, ces 1500 heures d'interview, avec des questions d'abord très ouvertes. Racontez-moi le 13 novembre, quelles sont selon vous les origines, pourquoi le 13 novembre a eu lieu, et les conséquences du 13 novembre. Alors derrière ces questions en fait très vastes, il y a un guide d'entretien qui est extrêmement précis, qui fait une quarantaine de pages, donc qui est enseigné aux intervieweurs, pour en fait faire des relances à certains moments précis. Mais l'entretien ne se fait pas en une fois, il est répété de façon périodique temps pour voir comment la mémoire individuelle varie. C'est une étude longitudinale, donc le premier temps de l'étude s'est terminé à la fin de 2016, avant les commémorations du premier anniversaire. Le deuxième temps devrait avoir lieu en 2018. Ensuite, ce sera 5 ans après le premier temps et ensuite 10 ans après le premier temps. Et ensuite, il y aura 2 ans d'analyse. C'est donc un programme de recherche sur 12 ans. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats ou des indications sur ce qu'ont donné les premiers entretiens que vous avez enregistrés ? Alors, pour l'étude 1000, le premier résultat, c'est que nous avons obtenu ces 1000 entretiens. 950. Donc les 1000, on rappelle, c'est ceux qui étaient directement touchés, enfin de très près en tout cas. Il y a 4 cercles. 4 cercles, donc les 1000, c'est l'ensemble. Ah, d'accord. Hein, c'est l'ensemble. Il y a plus de 300 personnes du cercle 1, et puis après une répartition à peu près équitable pour les 3 autres cercles. Donc les personnes sont venues témoigner, y compris massivement les personnes du cercle 1. Ça, c'est le premier résultat. Bon, les résultats, tout de suite, nous sommes en train de faire le travail de transcription speech to text. Donc, ce sont des machines qui travaillent sur ces données. Et actuellement, il y a une équipe de personnes qui font les corrections de ces transcriptions pour l'instant nous en sommes là. Bon, c'est un matériel évidemment extrêmement riche, qui est à la fois audio mais également visuel, hein, qui a été, puisque tous ces travaux sont filmés dans les conditions de l'Institut National de l'Audiovisuel. Je ne vais pas tellement vous en dire plus aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans les analyses. La deuxième étude, c'est l'étude qui se fait directement dans mon laboratoire à Caen, qui est une étude ancillaire de l'étude 1000, et ce sont 200 personnes qui viennent à Caen pendant 2 jours et qui bénéficient d'examens extrêmement sophistiqués, à la fois en psychopathologie, en neuropsychologie et en imagerie cérébrale, avec des IRM du cerveau, où on essaie de comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans un syndrome qui s'appelle le syndrome de stress post-traumatique, qui est un syndrome qui est dominé par ce que l'on appelle des intrusions. Des intrusions sont des images qui s'imposent à la conscience de la personne et qui sont bien différentes d'un souvenir, parce qu'un souvenir, c'est le thème de votre émission, on sait que ce souvenir vient du passé, il revient dans mon présent, mais il vient du passé, alors que le souvenir traumatique ou les éléments du souvenir traumatique, ce sont au contraire des éléments du passé, mais le sujet a l'impression de les vivre à nouveau au présent. Vous voyez la différence du souvenir. Ils apparaissent comme présents. Ils apparaissent comme présents. Et c'est pour ça que ces images sont pour la personne extrêmement terrifiantes. Et en fait, toute l'organisation psychique de la personne va se faire pour essayer d'éviter à nouveau d'être en présence de ces intrusions. Donc nous avons élaboré un protocole d'imagerie cérébrale qui permet de comprendre les mécanismes à la fois qui président aux intrusions, mais également les mécanismes qui permettent d'inhiber, de contrecarrer ces intrusions. Francis Eustache, nous allons écouter une chanson que vous avez choisie, elle est de Barbara. Elle parle de ses souvenirs d'enfance. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. Voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. Il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas. Pourquoi suis-je donc revenue? Et seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant? Oh, Francis Eustache. Mon enfance de Barbara, elle dit, j'ai eu tort. Il ne faut jamais revenir sur les lieux de son enfance. Elle a tort, mais en même temps, elle chante cette chanson. Hein. Et puis, merci d'avoir choisi un enregistrement public. C'est le lien entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Il y a beaucoup de choses dans cette chanson. Et puis, la mémoire est là, et les odeurs, les noms qui reviennent, le temps, les lieux, les émotions, évidemment. Et puis, en même temps, ce côté mal élucidé, quoi, les souvenirs d'enfance, quelque chose qui est encore très mal compris. Pourquoi on conserve certaines choses, pourquoi on ne conserve pas d'autres choses, pourquoi il y a des petits riens qui deviennent tout. Donc, ça interroge évidemment le scientifique, mais ça interroge aussi la personne qui soigne. Et puis ça intéresse, je pense, tout le monde, le romancier évidemment. Donc, je trouve cette chanson, qui n'est pas très très connue en fait de Barbara, je trouve qu'elle est, bon, elle va bien dans. Elle va bien avec l'émission, ça c'est sûr. Oui, Alexandre Lacroix. Ça m'a fait un choc de l'entendre parce qu'en fait, je me suis rappelé en l'écoutant que je l'ai énormément entendue, mais à 6 ou 7 ans et plus jamais depuis. En fait, donc, c'est elle-même un souvenir d'enfance. Oui, elle est un souvenir d'enfance pour moi. Et elle n'est pas liée à des moments de mon enfance dont j'aime à me souvenir, à des périodes plutôt difficiles où je vivais seul avec ma mère et où cette chanson passait. Et les conditions étaient un peu âpres. Et bon, ça cumule l'émotion de la chanson avec le fait qu'elle en elle-même, elle contient une partie de mon... De votre enfance. Bah oui, ouais. Dès qu'on touche à la question de la mémoire, on touche à la question de l'identité la plus profonde. Moi, je m'aperçois par exemple que, enfin, j'ai un traumatisme d'enfance. Enfin, j'ai perdu mon père dans des circonstances difficiles. Je peux le dire publiquement parce que je l'ai écrit dans deux livres. Et je ne peux pas me souvenir de la date de sa mort. C'est-à-dire, je ne peux pas, là c'est au médecin que je m'adresse presque, mais c'est-à-dire, je ne peux pas. C'est-à-dire, je peux mémoriser énormément de choses, énormément de connaissances, mais je lis la date de sa mort, je relève les yeux, vous me la demandez, je ne peux pas vous la restituer. Ni l'année, ni le mois, ni le numéro du jour. Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais cette telle oblitération, c'est-à-dire cette impossibilité. Et du coup, dans les romans, dans les deux romans autobiographiques où je parle de ce souvenir, je donne des dates qui sont fausses entre elles. Et systématiquement, mais ce n'est aucune des deux n'est vraie. Aucune des deux n'est vraie, et à chaque fois, les proches quand ils lisent le livre m'appellent et me disent mais enfin qu'est-ce que t'as fichu mais même en corrigeant les épreuves du poche, je remets une date fausse. Je suis pas capable. Sur stage, vous avez une façon de comprendre ce qui arrive à Alexandre Lacroix. Non, je vais pas donner une réponse à Alexandre, pas directement. Peut-être qu'on prolongera nos discussions, mais de façon plus générale, on peut dire le grand partenaire de la mémoire, c'est l'oubli. On a besoin de cet oubli, et cet oubli prend des formes multiples. L'oubli, il peut survenir très très tôt, après l'acquisition d'une information, et puis il peut prendre des formes plus subtiles quand le temps passe. Et c'est vrai d'ailleurs pour les mémoires individuelles, c'est vrai aussi pour les mémoires collectives. Il y a des faits qui sont rehaussés. Ce grand récit des historiens, eh bien, il est aussi fait de mémoires fortes qui vont être des mémoires qui vont construire, hein, par exemple, lors de la libération. Si on revient à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mémoires fortes, les mémoires de la résistance, qui étaient des mémoires qui étaient positives, qui aidaient à donner une vision positive. Et il fallait reconstruire le pays. Il y a d'autres faits qui étaient pourtant des faits très importants. Bon, moi, je viens de Normandie. Mes parents, mes beaux-parents ont connu la guerre de très près. Par exemple, les bombardements alliés, c'est un événement très important. Au moment du débarquement. Au moment du débarquement, un peu avant et un peu après, c'est entre 25 et 30 000 morts civiles. C'est considérable. Mais c'était un événement qui était relativement peu connu des Français de l'autre bout de la France. Parce qu'on a été bombardés par ceux qui nous ont libérés. Voilà, parce que c'était un événement qui ne s'inscrit pas dans la dynamique de la mémoire collective. La mémoire collective, elle doit avoir du sens. Et je pense que c'est très important de comprendre ça, et surtout de comprendre les discordances qu'il peut y avoir entre cette mémoire collective, donc qui met en avant un certain nombre de faits, mais qui en met d'autres à l'arrière-plan, et les mémoires individuelles, des personnes qui ont vécu cette période. Parce que les personnes qui ont vécu cette période, qu'est-ce qu'elles devaient faire ? Bien, elles devaient s'inscrire dans le grand mouvement collectif. Elles devaient aussi participer à la reconstruction du pays et très concrètement reconstruire les maisons, fonder des familles, etc. Quelque part, il n'y avait pas le choix. Mais en même temps, elles ne pouvaient pas oublier les drames humains, y compris qui concernaient leur famille, les gens qui étaient morts, les personnes de la famille qui étaient mortes dans ces bombardements. Donc, ça crée en fait des personnes. Ce sont des mémoires individuelles qui doivent survivre alors même qu'elles sont privées de références collectives. Elles sont pas privées de références collectives dans le sens où en Normandie il y avait cette connaissance, mais il fallait faire avec une mémoire collective qui était en quelque sorte enquistée dans un endroit précis, mais qui ne participait pas à la construction d'une mémoire plus étendue, plus vaste. Alors dans votre livre, Francis Eustache, enfin un de vos livres, hein, celui qui s'intitule « Ma mémoire et les autres », qui est un livre collectif, vous parlez d'un autre événement, un méta-événement collectif, l'exode en mai-juin 40, 8 millions de Français qui sont envoyés sur les routes pour fuir l'armée allemande, et cet événement est presque oublié en fait collectivement. C'est un autre grand événement, cette fois-ci qui touche quasiment toute la France, parce que ces personnes ont... se sont déplacées massivement, elles ont été recueillies à différents endroits. Et c'est vrai que c'est un événement, on le sait, depuis il y a eu des films qui ont parlé de l'Exode, et puis on est maintenant loin, c'est-à-dire que l'histoire maintenant peut parler de cela, parce qu'on a pris du recul. Par exemple, les civils pendant la guerre, il y a eu le discours de François Hollande aux 70 ans de la libération. Donc après 70 ans, on peut parler d'un certain nombre de choses. Mais il n'y a plus de mémoire individuelle. Mais les mémoires individuelles sont beaucoup moins nombreuses, moins exacerbées. Il faut souvent passer une génération pour que les mémoires parlent. Pour des raisons extrêmement diverses, je pense qu'il faut, le temps qui passe. Il faut que les personnes vieillissent et se disent à un moment donné, c'est maintenant qu'il faut parler. Et souvent, ces personnes parlent non pas aux enfants, parce que les enfants ont posé les questions trop tôt, donc on ne pouvait pas leur répondre à leurs propres enfants. Généralement, les personnes qui ont vécu un traumatisme ont beaucoup de mal à parler à leurs propres enfants, parce que ces personnes ont envie de parler d'autre chose, de construire autre chose. Mais elles vont parler aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants voient bien qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, en Normandie, les stigmates de la guerre, ils sont omniprésents. Il y a les blocos, il y a les plages du débarquement, il y a les touristes qui viennent voir. Donc, il y a les commémorations, qui sont souvent très bien faites. Et donc, les petits-enfants, c'est normal qu'ils posent des questions. Et là, les grands-parents parlent. Et en fait, les enfants qui se trouvent entre les deux écoutent. Et c'est comme ça qu'on apprend les trajectoires des parents, des beaux-parents pendant la guerre. Ce qui est vrai que c'est un chemin assez étonnant quand on y réfléchit. Alexandre Roy, vous avez observé ce que dit Francis Eustache à propos de Drancy. La réalité de Drancy et mon enquête sur Drancy s'est télescopée directement avec l'histoire des attentats de 2016. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai enquêté à Drancy entre 2010 et 2015 et donc, comme je disais, j'y allais toutes les 2-3 semaines. De temps en temps, j'utilisais ma carte de journaliste pour avoir accès à des avocats qui me racontaient un peu le quotidien du tribunal de Bobigny, qui me racontaient un peu les affaires, qui étaient les clients ou à des services sociaux. Et puis, de temps en temps, j'y allais juste comme ça, au café, discuter. Mais enfin, 5 ans d'enquête, une première version de mon roman était toute prête et arrivent les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Et là, vous décidez de ne pas le publier. Pas tout de suite. Oui, je me dis, mais parce que mon personnage, Nour, je voulais que ce soit un personnage dont on sent qu'il peut... celui qui parle de la cité aujourd'hui. On sent il aime Dieudonné, il est bon. Mais on sent qu'il peut bien tourner ou mal tourner. En fait, il est pas complètement déterminé. Il a une grande sagacité, une grande lucidité sur lui-même. C'est pas du tout un mauvais type. Et puis, on sent qu'il a été mêlé à une affaire criminelle qu'il raconte, puisqu'il est en garde à vue, mais on sent qu'il peut bien tourner ce gars-là. Et en fait, je me suis dit, mais dans cette dimension qui s'ouvre après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, on ne peut pas parler de banlieue sans parler de djihadisme, de fichiers S, de radicalisation, etc. Et donc, Le roman n'en parle pas. Et les choses se sont empirées, en fait, ont empiré avec les attentats du 13 novembre, parce que l'un des L'un des tueurs du 13 novembre, l'un des djihadistes, était Sami Amimour, était originaire d'un quartier de Drancy, le quartier de la Boule Blanche, plutôt un quartier résidentiel. C'était d'ailleurs quelqu'un qui était plutôt intégré au sens où il avait un métier de conducteur RATP sur la plateforme de Bobigny, conducteur de bus. Et tout d'un coup, Drancy se retrouve lié à l'histoire du terrorisme. Et j'ai décidé de laisser passer du temps, en fait. Voilà, j'ai repris le roman au moment où j'ai senti que moi-même, j'étais sorti du choc traumatique. J'habite juste à côté du Bataclan, hein, donc pour amplifier les choses. Donc, où moi-même, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait et que je pouvais de nouveau avoir un regard sur la banlieue qui ne soit pas complètement phagocyté par les événements récents et par le spectre du djihadisme. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Francis Otache, revenons à votre programme 13 novembre, hein, celui dans lequel vous essayez de faire parler les témoins plus ou moins proches de l'attentat de Paris et celui de Saint-Denis. Vous avez défini quatre cercles. Le premier cercle, c'est les personnes vraiment directement touchées, pompiers ou bien victimes, ou bien survivants, ou bien voisins directs. Et puis le quatrième cercle, c'est des gens qui étaient très loin, dans des villes de province. On a tendance à supposer que plus on est loin de l'événement, plus la mémoire qu'on a de l'événement ressemble à la mémoire collective. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé par ce que vous observez? La mémoire collective, ce sera un ensemble de tout ça. Parce que les... En gros, si on habite en province, on en retient ce qu'en ont dit les médias ou en ont montré les médias. Par définition, les personnes qui étaient dans le cercle 4 ont appris cet événement par les médias. C'est vrai du cercle 3, c'est en grande partie vrai du cercle 2. Par contre, les personnes du cercle 1, elles vont avoir une influence très importante sur les médias, parce que ce sont d'elles dont on va parler. Donc, comment va s'écrire ce grand récit? Certes, il dépend des personnes les plus éloignées, mais il dépend aussi de ces personnes moins nombreuses qui étaient présentes sur les lieux. Et comment leur présence, leur traumatisme va être compris par les autorités, y compris au plus haut niveau de l'État. Et donc c'est une construction, vous voyez, qui se fait pas de façon arithmétique. Ce ne sont pas les 60 millions de Français ou les 65 millions de Français qui vont écrire avec la même intensité cette histoire. Et cette notion de cercle, c'est aussi pourquoi nous avons défini cette notion de cercle. Alors, avec cette notion de cercle, on n'essaie pas d'avoir un échantillon représentatif de la population française. On a également ces informations-là, mais via le CREDOC, qui est un grand organisme de sondage semi-public, qui pose des questions tous les 6 mois à la population générale, représentative de la population française. Et donc nous avons injecté 11 questions sur les attentats de Paris, donc qui sont reprises de 6 mois en 6 mois par le CREDOC. Et là, on a des premiers résultats qui sont très intéressants, qui montrent que cet attentat du 13 novembre, c'est un événement majeur de ces 10 dernières années, et c'est l'événement dramatique le plus important qui est jugé comme tel par la population française. Et déjà, au sein de l'événement 13 novembre, c'est le Bataclan qui prend le dessus, en quelque sorte, sur l'ensemble des autres événements. Donc on commence à voir, et ça dans la population générale, là il n'est plus question de cercle 1, 2 et 3 et 4, dans la population générale, comment est en train de s'écrire cette histoire des attentats de Paris. Mais est-ce qu'il arrive que des personnes fabriquent ce qu'on pourrait appeler des faux souvenirs pour se débarrasser de traumatismes trop violents, trop marquants qu'elles ont subis? Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est un syndrome particulier dans le sens où il va conduire à un rehaussement de certaines images traumatiques. Donc ce sont souvent des bruits, ce sont souvent des images qui sont des images qui sont décontextualisées. Donc c'est une histoire qui s'écrit de deux façons, en rehaussant certains éléments qui font partie du traumatisme, mais au contraire, en rendant beaucoup moins visible tout ce qui entoure l'événement traumatique. Si bien qu'il n'y a plus de contexte, si bien que ce souvenir traumatique, ce n'est pas un vrai souvenir, il ne va pas pouvoir se décontextualiser, mais ces images, elles vont rester des images extrêmement présentes, extrêmement émotionnelles dans la conscience de la personne qui en a été victime. Est-ce que vous menez des études semblables à propos des attentats de Nice, enfin de l'attentat de Nice du 14 juillet? Il y a des différences entre les deux, par le fait que, notamment à Nice, il y a eu beaucoup de victimes qui étaient des enfants, ce qui n'est pas le cas des attentats de Paris. Est-ce que ça crée, à votre avis, une différence dans le rapport au passé dans les deux cas? Alors, quand les attentats de Paris ont eu lieu, quand 13 novembre a eu lieu, nous avons beaucoup discuté sur un travail qui aurait pu être mené sur les enfants des victimes. Parce que ce sont des personnes jeunes, ce sont des personnes qui ont 30, 40 ans et qui ont des enfants. Bon, finalement, nous avons fait le choix de ne pas lancer cette étude parce que nous estimions que nous n'étions pas prêts. Après l'attentat de Nice, très vite, j'ai personnellement contacté mes collègues et amis de Nice. Et là, nous avons eu beaucoup de réunions de travail. Et ce que j'espère, si nous sommes soutenus par tous les partenaires que nous avons contactés, c'est que nous allons lancer une grande étude, cette fois-ci, sur les familles. Parce que, comme vous le dites très justement, l'attentat de Nice visait les familles et les enfants. Et donc, ce serait un programme très complémentaire du programme qui s'appelle 13 novembre, qui serait plus orienté, qui serait plus un programme biomédical que le programme 13 novembre, qui est un programme transdisciplinaire. Là, ce serait plus orienté vers les aspects médicaux et épidémiologiques et qui aurait comme particularité de porter sur la mémoire traumatique des enfants. Alexandre Lacroix ? Oui, en fait, ce que j'entends à travers ces différents projets, c'est que on sait bien que c'est difficile d'obtenir des fonds pour faire des recherches en France, et tout d'un coup, il y a la force d'un événement, et les énergies se mobilisent. Enfin, c'est-à-dire que le côté budgétaire, tout d'un coup, je vais dire que les difficultés s'aplanissent parce qu'on sent qu'il y a une urgence, qu'il faut le faire, et que c'est de notre responsabilité de le faire. Mais vous savez, dans le journalisme que je pratique, puisque je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, on a exactement eu le même type de réaction, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu des attentats importants, et notamment celui du 13 novembre, on s'est retrouvé le lendemain. À chaque fois, c'est un mensuel. Alors, un mensuel, ça veut dire qu'on travaille un dossier sur 2 ou 3 mois. Et on s'est retrouvé le lendemain, parfois, au lendemain des attentats du 13 novembre, il nous restait une semaine avant l'envoi du bon à tirer. Et on a jeté notre dossier, on a tout jeté, et on s'est regardé, on s'est dit, on ne peut pas publier ce qu'on avait prévu de publier. Il est de notre devoir, de notre responsabilité de documenter le présent, ne serait-ce que pour laisser aussi une trace, contribuer à la construction d'une élaboration d'un récit collectif. Alors, par exemple, philosophiquement, c'est vrai que dans la rédaction, on a eu un débat très très dense après le 13 novembre, et puis il y avait les passions, et puis il y avait le traumatisme, et il y avait... Mais ce qui est ressorti, c'est la question qu'on s'est posée, c'est la terreur va-t-elle nous changer? Et donc, le dossier qu'on a mis sur pied en une semaine, avec les moyens du bord un peu, mais en enquêtant, en allant voir des gens qui avaient vécu les attentats, et puis des philosophes, c'est la terreur va-t-elle nous changer? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose dans la société française, dans les mœurs, dans le rapport aux autres et aux étrangers va être altéré par la terreur, ce que souhaitent les terroristes? Est-ce qu'ils vont réussir là à nous faire perdre notre adhérence à certaines valeurs? Voilà, c'était notre question. Merci Alexandre Lacroix, merci Francis Lesage d'être venu croiser vos regards sur la mémoire. On a compris grâce à vous qu'il y a différentes sortes de mémoires qui ne s'harmonisent pas toujours, et notamment la mémoire collective est autre chose que la somme des mémoires individuelles. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Philippe Bredin et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.